Le même après-midi, au même moment, Frédéric et Mlle Louise se promenaient dans le jardin que M. Roch possédait au bout de l'île. La vieille Catherine les surveillait de loin. Ils marchaient côte à côte et Frédéric disait « Vous souvenez-vous, quand je vous amenais dans la campagne ?»« Comme vous étiez bon pour moi, » répondit-elle, « vous m'aidiez à faire des gâteaux avec du sable, à remplir mon arrosoir, à me balancer sur l'escarpolette. Toutes vos poupées, qui avaient nom de reine ou de marquise, que sont-elles devenues ?»« Ma foi, je n'en sais rien. » « Et votre roquet, Moricaud ?» Il s'est noyé, le pauvre chéri. « Et le Don Quichotte, dont nous colorions ensemble les gravures ?»« Je l'ai encore. » Il lui rappela le jour de sa première communion, et comme elle était gentille aux vêpres, avec son voile blanc et son grand cierge, pendant qu'elle défilait toute autour du cœur et que la cloche tintait. Ses souvenirs, sans doute, avaient peu de charme pour Mlle Roch. Elle ne trouva rien à répondre. Et une minute après, « Méchant, qu'il ne m'a pas donné une seule fois de ses nouvelles !» Frédéric objecta ses nombreux travaux. « Qu'est-ce donc que vous faites ?» Il fut embarrassé de la question, puis dit qu'il étudiait la politique. « Ah ! » Et sans en demander davantage, « Cela vous occupe, mais moi... » Alors, elle lui conta l'aridité de son existence, n'ayant personne à voir, pas le moindre plaisir, la moindre distraction. Elle désirait monter à cheval. Le vicaire prétend que c'est inconvenant pour une jeune fille. Est-ce bête, les convenances? Autrefois, on me laissait faire tout ce que je voulais. À présent, rien. Votre père vous aime pourtant. Oui, mais... Elle poussa un soupir qui signifiait « Cela ne suffit pas à mon bonheur. »